بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue notre cher frère et sœur. نبدأ اليوم سورة الفجر وهي سورة المكية. On commence aujourd'hui l'exégèse de سورة الفجر et c'est une sourate qui a été révélé durant la période mécoise. Et certes, on a déjà expliqué lors des cours, lors de l'exégèse de Surat al-Naba, donc les premiers cours qu'on a fait dans ce juz, on avait expliqué la différence entre les sourates mécoises et les sourates donc médinoises. Donc je vous laisse retourner vers le premier cours où on a abordé ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit donc au début de Surat al-Fajr, après le Basmala, il dit tabaraka wa ta'ala, wal fajr, wa layalin ashar, wa shafi'i wal watr, wal layli idha yasr. Il dit donc tabaraka wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, par al-Fajr. وَلَيَالٍ عَشَرٍ par les dix nuits. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ et par le père et l'impère. وَالْلَيْلِ إِذَا يَسْرِ et par la nuit quand elle s'écoule. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ N'est-ce pas là un serment pour tout doué de raison? والفجر et donc par le فجر ذكر العلماء أن المراد بالفجر هو الصبح المعروف. Les savants ils ont cité que ce qui est voulu par الفجر c'est l'aube qui est connu. وقال آخرون المراد صلاة الفجر. Et donc certains autres savants ils ont dit que ce qui est voulu c'est la prière, c'est-à-dire la prière du Fajr. Mais c'est pas forcément le temps du Fajr, c'est pas l'aube. وقيل غير ذلك. Et certes il fut dit autre que cela comme avis sur ce verset. ويفهم من كلام ابن كثير رحمه الله أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول. Et on comprend de la parole de l'imam Ibn Kathir rahimahullah que l'avis qui est le plus juste selon lui est le premier avis cité, c'est-à-dire al-fajr, c'est-à-dire l'aube. فالله تبارك وتعالى أقسم بالفجر لكونه أول النهار. Allah تبارك وتعالى a juré par le Fajr, car c'est le début de la journée. وَهُوَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ ظُلُمَةِ اللَّيْلِ إِلَى نُورِ النَّهَارِ. Et le Fajr, c'est le changement de l'obscurité de la nuit vers la lumière de la journée. وَقَدْ ذَكَرْنَا سَابِقًا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذَا الْفَجْرِ. Et certes, on a cité précédemment que personne, que nul n'est capable de venir avec le Fajr, de reproduire le Fajr. La yastati'u ahadun fi'lu dhalik, bal in-nasu kulluhum law ijtama'u 'alayhi la yaqdirun. Personne ne peut accomplir cela, ne peut accomplir ce changement. La disparition de la nuit et l'apparition de la journée, l'aube naissante. Personne ne peut faire ça en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si les êtres humains s'unissent tous, s'ils s'unissent tous pour faire venir, pour donc reproduire le Fajr, ils ne peuvent pas le faire. فَهَذَا الْفَجْرَ الَّذِي نَرَاهُ يَوْمِيًا مِنْ أَبْرَزِ الْأَدِلَّةِ على قدرة الله سبحانه وتعالى wa ala da'fi al-insan. Et donc ce fajr que nous voyons tous les jours fait partie des preuves les plus apparentes, montrant la puissance d'Allah Ta'ala et la faiblesse de l'être humain. Si seulement nous méditions sur cela. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dit, voyez-vous, si Allah faisait que la nuit soit continue jusqu'au jour de la résurrection, une nuit qui continue, qui perdure jusqu'au jour de la résurrection, il y a-t-il une divinité en dehors d'Allah qui pourrait venir avec une lumière? Ne raisonnez-vous donc pas. Efela tasma'oun, n'entendez-vous donc pas? Est-ce que vous n'entendez pas leur appel? Quand allez-vous obéir? Fa'antum tulahidun. أن الله قال من إله غير الله يأتيكم بضياء. Et vous remarquez que Allah Ta'ala, il dit dans le sens rapproché, il y a-t-il une divinité en dehors d'Allah qui puisse venir avec une lumière? إذن هذا الضياء لا يقدر عليه إلا الإله الحق. Et donc cette lumière, seule la vraie divinité, sauf celui qui mérite réellement d'être adoré, le Fajr, sauf Allah Tabaraka wa Ta'ala, peut le produire. Seul Allah Tabaraka wa Ta'ala peut le produire. Wa hadha al-fajr yatarattabu alayhi ahkam mithl dukhul waqti as-salat wal imsak lis-siyam. Et ce Fajr va découler de celui-ci des jugements religieux, des jugements législatifs, tel que le début du temps de la prière du Fajr. Et aussi, le moment de cesser la nourriture, le moment de se retenir de toute chose qui va rompre le jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après cela, wa layalin ashr, et par les 10 nuits. Zakaratil ulama, في هذه الآية قولين. Les savants, ils ont cité concernant ce verset deux avis. Ils ont cité deux avis concernant ce verset, رحمهم الله. القول الأول وهو اختيار ابن كثير رحمه الله وكثير من العلماء وهو عشر ذي الحجة. Le premier avis, qui est l'avis qu'a choisi Ibn Kathir, rahimahullah, ainsi que beaucoup de ulama, beaucoup de savants, c'est que le terme « wa layalin ashr » par les 10 nuits, ce qui est voulu par là, ce sont les 10 nuits de Dhul-Hijjah, les 10 premières nuits de Dhul-Hijjah. « هذه الأيام التي ذكر فيها أو ذكر فيها العلماء أنها خير الأيام. » Et donc les dix premiers jours de Dhul-Hijjah qui sont les jours dont les savants ont dit que ce sont les meilleurs jours. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. البخاري ومسلم ont cité, selon le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Il n'y a nul jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées auprès d'Allah que ces 10 jours. »« Qalu wala jihad fi sabilillah » Ils dirent « Même pas le jihad dans le sentier d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « Wala jihad fi sabilillah » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء أو فلم يرجع من ذلك بشيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu, donc ni le jihad dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui est parti et qui a sacrifié sa propre personne et ses biens et qui n'est revenu avec quoi que ce soit de cela. Et donc cela montre l'importance des œuvres durant ces jours si importants, les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. القول الثاني أن المراد بهذه العشر الأواخر من رمضان. Et le deuxième avis des ulama est que ce qui est voulu par ces dix nuits, ce sont les dix dernières nuits de Ramadan. وهذه الليالي التي يكثر فيها العمل الصالح والتي فيها ليلة القدر التي قال الله عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. Et donc, ces nuits durant lesquelles les œuvres pieuses augmentent et sont nombreuses, ces nuits durant lesquelles il y a parmi celles-ci la nuit du destin, celle dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit ليلة القدر خير من ألف شهر, la nuit du destin est mieux que mille mois. وهذه الليالي لا يختم المسلمون بها هذا الشهر العظيم. Et durant ces nuits importantes, les musulmans vont finir ce mois si important, le mois de Ramadan. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى كما قاله العلامة ابن العثيمين رحمه الله لأن اللفظ المذكور دال على الليالي لا الأيام. Et cet avis est le plus juste, inshallah ta'ala, comme l'a cité le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, car les termes cités dans le verset font allusion, montrent bien les nuits et non les jours. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après cela, wa shaf'i wal watr, par l'impair. Excusez-moi, par le père et l'impair. Par le père et l'impair. Wa fi hadhihi al-aya aqwalun kathiratun min ahli al-ilm. Il y a dans l'exégèse, dans l'explication de ce verset, beaucoup d'avis des gens de science. Il y en a beaucoup. Fa qila al-watr yawm arafa لكونه التاسع والشفع يوم النحر لكونه العاشر. Et donc il fut dit parmi les avis des savants, l'impair c'est le jour de Arafah car il est le neuvième jour du mois, et le père c'est le jour du sacrifice car il est le dixième jour du mois. وقيل العكس, et il fut dit l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire donc que le père c'est le jour de Arafah et l'impair c'est le jour du sacrifice. Donc là on a deux avis. وقيل الشفع والوتر هو العدد. Il fut dit que le père et l'impair, ce qui est voulu par là, ce sont des nombres de façon générale. ومنه الشفع ومنه الوتر. Pourquoi? Parce que parmi les nombres, il y a des nombres qui sont pairs et des nombres qui sont impairs. Troisième avis. Et donc maintenant le quatrième, wa qila shaf'u hiya al-khala'iq. Li'anna kulla shay'in khalaqahu Allahu shaf'un. Et il fut dit que al-shaf', l'impair, ou du moins le père, ce sont les créatures. Pourquoi? Parce que toute chose que Allah tabaraka wa ta'ala a créée est père. Toute chose que Allah tabaraka wa ta'ala a créée est père. Fal kufru wal iman. Nous avons par exemple la mécréance et la foi. Non, deux. Al huda wa dalala. La guidée et l'égarement. Donc ils sont deux. As-sa'adatu wash-shaqawa, le bonheur et le malheur, qui sont deux. Al-layl wan-nahar, la nuit et le jour qui sont de As-sama wa as-sama wa al-ard, le ciel et la terre. Al-barr wa al-bahr, la terre ferme et l'eau. Al-shams wa al-qamar, le soleil et la lune. Al-jinn wa al-ins, les djinns et les hommes, et ainsi de suite. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous, afin que vous vous en rappeliez. Afin que vous vous en rappeliez. Amma al-watr, fahuwa Allah, tabaraka wa ta'ala. En ce qui concerne l'impair, ce qui est voulu par là, c'est Allah. Donc dans cet avis que nous citons ici. Je ne cite pas tous les avis, mais Allahu alam, j'ai essayé de citer les plus importants. Fait al-watr wa qad dhakarahu kathirun min al-ulama anna ash-shafa al-khalaiq wal-watr huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Et les savants, ils disent donc que ce qui est voulu par, beaucoup de savants disent que ce qui est voulu par ash-shafa, par le père, c'est Allah, ce sont les créatures. Et l'impair, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, car il est seul et unique. Et rappelez-vous donc le hadith anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha witrun yuhibbu al-witr, certes Allah est impair et il aime l'impair. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadith qui a été rapporté par al-Bukhari et Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wal-layli idha yasr, et par la nuit lorsqu'elle s'écoule, al-yasri huwa sayru bil-layl. Et donc le terme al-yasri qui a été utilisé dans ce verset ici, c'est le fait de se déplacer et d'avancer pendant la nuit. Fal-laylu yasiru bad'an min al-maghrib wa yantahi bi tulu' al-fajr. Et donc la nuit, elle va commencer à partir du Maghreb et se terminer à partir de l'apparition du Fajr. وَالْلَيْلُ لَا يَتَوَقَّفْ هُوَ دَائِمًا فِي سَيْرَانِ. Et la nuit ne s'arrête pas. La nuit ne s'arrête pas. Elle se déplace tout le temps. Tout le temps d'un endroit à un autre sur la terre. Elle se déplace la nuit. وَهَذَا اللَّيْلُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْعَظِيمَةِ من الفرائض والنوافل من الصلوات وقراءة القرآن والدعاء فإن الله تعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له فهذا الليل فيه من الأمور النافعة لا ينبغي للعبد أن يفوت عليه هذه الأمور. Et donc il y a dans cette nuit, durant cette nuit, des actes d'adoration grandioses. Parmi les actes d'adoration obligatoires et surrogatoires, al-mardab, al-isha, les actes surrogatoires, le witr et autres, il y a donc les prières, comme je viens de citer, la lecture, la récitation du Coran, l'invocation, car Allah tabaraka wa ta'ala descend durant le dernier tiers de la nuit au ciel le plus bas. Et il dit, qui me demande afin que je lui donne, qui m'invoque afin que je lui exauce, qui implore mon pardon afin que je le pardonne. Et donc durant cette nuit, il y a des éléments très profitables. Il n'est pas convenable que le serviteur laisse passer cette occasion, cette opportunité. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Il y a-t-il en cela un serment pour les doués de raison? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui a été cité précédemment, هل كل ما ذكر سابقا وكل ما أقسمنا عليه أو أقسمنا به أليس هذا كافيا؟ Est-ce que tout ce qui a été cité par lequel Allah Ta'ala a juré, est-ce que tout cela n'est pas suffisant? La nuit, un signe évident montrant la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu peux arrêter le déplacement de la nuit? Atahaddak, je te défie. Toi qui te prends pour le maître du monde ou autre, est-ce que tu peux arrêter le déplacement de la nuit? Est-ce que tu peux empêcher l'arrivée du jour? L'aube. Tous ces éléments qui montrent la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde, les 10 dernières nuits du Ramadan, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs, n'est-ce pas tout cela suffisant pour les doués de raison? Et vous remarquez que Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le terme hijr. والحجر المراد به العقل. Donc comme je l'ai cité, الحجر dans la traduction, ce qui est voulu par là, c'est la raison. والحجر سمي حجرا لأنه يمنع الإنسان عن فعل القبائح عن فعل ما لا يليق به. Et le mot حجر, il a été appelé comme cela car il empêche à l'être humain de faire ce qu'il ne convient pas qu'il fasse. Et c'est comme ça la raison aussi. La raison empêche à l'être humain de faire ce qu'il ne lui convient pas de faire. وَمِنْهُ حِجْرُ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الطَّائِفَ مِنَ اللُّصُوقِ بِجِدَارِهِ الشَّامِ. Et c'est de là qu'il y a le terme aussi, le hijr, à la maison sacrée, le Kaaba, donc la partie, donc, à côté, juste à côté de la Kaaba, qu'on appelle le hijr. Et donc cette partie qui va empêcher à celui qui fait le tawaf de venir, donc pendant son tawaf, du côté du mur Hashemi. وَمِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْحَجْرُ الصِّحِّي. Il y a aussi durant ces jours ce qu'on appelle donc Al-Hajr al-Sihi, donc la quarantaine, la personne qui va être empêchée de se déplacer, etc., pour être préservée pour sa santé et la santé des autres. Il y a donc quelque chose, le fait d'empêcher ici. Et donc la raison, Al-Aqlu, la raison va empêcher à la personne de faire ce qui ne convient pas. De la même façon, c'est pour cela que la raison dans la langue arabe, elle a été appelée aqlun. لأنه يعقل الإنسان عن فعل ما لا يليق به. Car la raison aussi va empêcher يعقله, la personne va être liée, va être empêchée de faire ce qui ne convient pas. Lorsque la personne fait ce qui ne convient pas, cela montre un manque de raison. فلذلك يكثر الله تعالى بذكر هذه الخصلة العظيمة التي من بها على بني آدم يميزون بها بين الحق والباطل ولكن من هم الذين يستفيدون من هذا العقل. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala souvent dans son livre, dans le Coran, il va citer la raison. Cette raison à qui? Cette raison dont Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à ses créatures comme bienfait. Par cette raison, les créatures vont pouvoir distinguer entre le bon et le mauvais. Cependant, qui sont ceux qui vont utiliser cette raison? Même, qui sont ceux qui vont utiliser cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordée? On va continuer l'exégèse donc de cette sourate la semaine prochaine, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite, il est capable de toutes choses. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.